Toulouse-Lautrec et ses condisciples étudiants en art conçurent cette œuvre comme une plaisanterie dans l'atelier de Fernand Cormon. C'est une parodie du bois sacré.